l'hiver, il fait froid, vous vous sentez fatigué, c'est vrai ça, vous avez tout le temps envie de dormir, le soir vous êtes épuisé, puis vous avez faim, vous n'arrêtez pas de manger. Non, je vous rassure, vous ne couvez rien, c'est votre organisme qui lutte contre le froid, parce que nous, humains, comme tous les mammifères et les oiseaux, nous sommes endothermes, nous avons le sang chaud. Nous dépensons énormément d'énergie pour maintenir notre organisme à température constante, ce qui est plutôt rare. En termes évolutifs, à peine 1% de la faune est endotherme, le reste étant à sang froid, ectotherme. Alors pourquoi l'endothermie? Comment ça marche et à quoi ça sert? C'est ce que nous allons vous expliquer aujourd'hui. Thermorégulation, allumer le feu, c'est le programme chaleureux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Méthode Scientifique. Un titre qui a consterné notre ingénieur du son, comme s'imaginent certains d'entre vous, mais ça n'est pas de notre faute, excusez-nous. Allez, pour souffler le chaud et le froid sur cette étrangeté évolutive qu'est l'endothermie et prendre la température de la faune terrestre, on va parler évidemment aussi énormément d'ectothermie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Voituron, bonjour. Bonjour. Vous êtes écophysiologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 1, au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés. Et Olivier Lourdet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé. Elle ne craint ni le chaud ni le froid, enfin si le froid un peu quand même, mais elle fait des efforts. C'est le retour de Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha et bonne année. Bonjour Nicolas, bonne année. Et pour commencer ce journal, une étude parue ce week-end dans la revue de Lancet, le Covid long toucherait 3 malades sur 4 qui sont passés par l'hôpital. Oui, en août, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, reconnaissait le syndrome du Covid long. On connaît mal, hein, le Covid persistant et ses effets à long terme sur la santé. Des chercheurs chinois ont suivi plus de 1700 patients 6 mois après leur hospitalisation. Des patients âgés en moyenne de 57 ans qui ont répondu à des questionnaires et qui ont suivi une batterie d'examens. Alors cette étude ne concerne qu'un certain type de patients, les cas graves. Néanmoins, les résultats sont préoccupants. 6 mois après l'infection, le 3/4 des personnes hospitalisées du Covid-19 souffrent toujours de symptômes. La fatigue intense ou la faiblesse musculaire sont les symptômes les plus courants, mais aussi les troubles du sommeil et la dépression. Ceux qui ont été le plus gravement malades voient également leur capacité pulmonaire altérée de façon sévère. Selon les auteurs, il faut approfondir l'étude sur le Covid long afin d'améliorer son suivi. Et le suivi du Covid, c'est tous les jours dans le Journal des Sciences, ainsi que sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon les météorologues, une vague de froid venue de l'Arctique menace l'Europe pour ces prochaines semaines, Natacha. Et on ne sait pas encore pourquoi, peut-être est-ce lié à la diminution de la surface de la banquise, mais au-dessus du pôle Nord, la stratosphère s'est réchauffée brusquement. Elle a gagné en quelques jours 50 degrés. Ce réchauffement stratosphérique soudain a inversé la direction des vents du vortex polaire, et ce vortex polaire pourrait descendre sur toute l'Europe et sur l'Amérique du Nord. Pour le moment, aucune certitude, mais toutes les conditions pour une grande vague de froid sont réunies. Pas pour tout de suite, parce que demain j'ai vu qu'il faisait 10 degrés. Bref, allez, on va pas commencer à faire la météo dans le monde des sciences tout de suite. Allez Natacha, selon une étude parue dans Science Advances, il existerait en réalité 3 sous-types de la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs américains ont séquencé l'ARN de plus de 1500 échantillons dans 5 régions du cerveau d'une centaine de patients décédés et les ont comparés à des cerveaux témoins. Ils ont identifié 3 principaux sous-types de la maladie d'Alzheimer avec différents facteurs biologiques et moléculaires. Ces sous-types correspondent à des combinaisons de différentes voies dérégulées qui conduisent toutes à une dégénérescence cérébrale. Selon les chercheurs, cela pourrait en partie expliquer pourquoi cette maladie progresse sous différentes formes entre déclin cognitif lent ou déclin cognitif foudroyant. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Cell, les cellules cancéreuses pourraient hiberner. Oui, comme les ours en hiver. Les cellules cancéreuses peuvent agir comme un organisme en hibernation pour se protéger, non pas du grand froid, mais des chimiothérapies. Des chercheurs canadiens ont testé des cellules cancéreuses humaines dans des boîtes de pétri. lorsqu'elles étaient traitées par chimiothérapie, ces cellules entrent en diapause, un état de faible énergie, de division lente, où les cellules cessent de se développer. Une fois la menace passée, elles recommencent à se répliquer à pleine vitesse. Ces résultats sont de nouvelles pistes pour vaincre la résistance à la chimiothérapie. La transition est merveilleuse puisque les ours, les mammifères qui hibernent, sont endothermes, hétérothermes, et c'est le thème de notre émission du jour. On va définir tout ça dans un instant et Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. L'évolution a donc très largement sélectionné l'ectothermie. Les animaux à sang froid sont très largement majoritaires, de façon écrasante, moins de 1% de la diversité animale est endotherme. D'où la question, pourquoi l'endothermie? Pourquoi dépenser autant d'énergie à maintenir le corps à une température constante? En fait, lorsqu'on y regarde de plus près, entre l'endothermie et l'ectothermie, il n'y a pas un mur imperméable. Il y a toute une gamme vaste et diverse de régulation de la température corporelle. Certains animaux ectothermes peuvent à certains moments hausser leur température ou celle de certains organes dans un but bien précis, tandis que certains animaux endothermes, on vient d'en parler, voient eux leur température chuter brutalement en hiver lorsqu'ils entrent en hibernation. C'est cette histoire biologique évolutive à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui et commençons par notre biais anthropocentrique habituel. Quid de l'être humain? L'être humain, il est privilégié. C'est en tout cas ce que pense le botaniste Fernand Lotte dans cet archive de l'heure de la culture française. Nous sommes en 1952. Comparé aux divers groupes de la série animale, écrit le professeur Léon Binet, l'organisme humain est particulièrement privilégié. Il est capable d'un effort thermogénétique considérable. Des mesures faites en France ont montré qu'un homme vigoureux, entraîné au froid, plongé dans un bain à 4 degrés 4 dixièmes, produit 5 fois plus que le chiffre de métabolisme de base. Sous l'influence du froid, ces échanges sont 2 fois plus élevés que dans le travail musculaire le plus intense. Le froid déclenche aussi une vasoconstriction cutanée, entraînant une anémie des téguments. Si le froid est plus intense et plus prolongé, la vasoconstriction cède par moments et alternativement avec des périodes de vasodilatation, celle-ci finissant par l'emporter avec une baisse de température plus accentuée encore. D'autre part, sous l'influence du froid, le sang et la peau se déshydratent, ce qui non seulement modifie la conductibilité de la peau dans un sens favorable à la thermorégulation, mais encore place les récepteurs spécialisés au froid dans les meilleures conditions de fonctionnement. Et l'on a constaté que les excitations par le froid dans le territoire du nerf trijumeau déclenchent des réactions régulatrices de haute importance. Action heureuse sur le débit circulatoire, sur la pression artérielle. Aussi M. Léon Binet déconseille-t-il, puisqu'il y a utilité à laisser jouer le mécanisme régulateur, un emmitouflage excessif l'hiver qui met hors d'action ce mécanisme favorable. Voilà, ne pas trop se couvrir l'hiver pour continuer à stimuler la thermorégulation corporelle. Quel est votre avis, votre regard sur cette archive de 1952, Olivier Lourdet? Alors c'est assez intéressant parce que cette archive, déjà, elle présente l'être humain comme étant un peu un champion de la thermorégulation. D'un autre côté, elle montre aussi assez bien les mécanismes de régulation de la température chez les endothermes. Hein. Nous sommes construits pour réguler notre température dans une gamme de conditions données. Et puis ici, la température ambiante baisse de façon trop importante. Il y a les mécanismes qui se mettent en route et également dans le chaud. En revanche, l'idée de notre résistance au froid dans l'eau, on a très peu d'isolation en fait au niveau thermique, au niveau cutané. On se refroidit très très vite dans l'eau par rapport à de nombreux mammifères marins, par exemple. Yann Voituron, votre réaction? Ben, effectivement, au-delà du côté très péremptoire et théâtral, ça montre bien effectivement cette volonté qu'ont les endothermes de rester sur une gamme de température qui va chercher en fait à obtenir un optimum, enfin une efficacité extrêmement importante de son métabolisme. Et donc il va mettre en place tout un tas de mécanismes pour maintenir ces conditions favorables à ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'état stable dans lequel les muscles vont pouvoir fonctionner, les différents organes vont pouvoir fonctionner. Mmh. Ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction de l'émission, pendant le générique, c'est de dire qu'aujourd'hui, en ce moment, parce que c'est l'hiver, on est plus fatigué, on a envie de dormir plus souvent, on a aussi envie de se nourrir plus. C'est lié à ces fonctions de maintien de la température, entre autres, ou est-ce que finalement, pour les gens qui ont la chance de vivre dans un certain confort, ce qui n'est évidemment pas le cas de tout le monde, on est relativement bien protégé aujourd'hui contre le froid, et donc c'est relativement décorrélé, Yann Voituron? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, c'était dit dans le reportage juste avant, le fait de trop se couvrir, d'habiter dans des maisons un peu trop chaudes, en fait, ça efface quelques phénomènes qu'on appelle d'acclimatation. En fait, le corps, quand il est mis régulièrement face au froid, va doucement développer certains mécanismes qui vont lui permettre de générer de la chaleur, ce qu'on appelle la thermogenèse. Et en fait, ça va permettre en fait de plus chauffer le corps plus facilement et en général de tomber moins malade. Mmh. Et en particulier avec un tissu particulier qu'on appelle le tissu adipeux brun, qu'on est capable de réactiver. Donc nous, on avait au laboratoire par exemple un collègue qui restait en chemisette jusqu'au mois de novembre pour réactiver ce tissu adipeux brun. Et voilà. Et donc ça permet en fait de mieux gérer la température corporelle dans les milieux froids. Mmh. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faille sortir en short et en débardeur en plein mois de janvier, c'est pas tout à fait non plus raisonnable. Peut-être un mot, Olivier Lourdet, à propos de la température du corps humain, on en avait parlé ici dans le Journal des Sciences, est-il vrai qu'elle est sur une tendance baissière, que notre température, nos fameux 37,5, sont aujourd'hui plutôt 37 que 37,5 et qu'on a notre température a tendance à baisser? Alors ça, c'est un sujet sur lequel on a un peu échangé avec Yann, et c'est cette tendance-là, il semblerait effectivement qu'il y ait des résultats qui aillent dans ce sens. Néanmoins, il faut bien mettre en parallèle aussi nos modes de vie, et notamment un mode de vie avec beaucoup plus de sédentarité qui font que notre dépense métabolique journalière, elle est beaucoup plus basse où elle a tendance à se réduire en fait. Et donc, à quoi sert le maintien d'une température élevée dans un tel contexte? C'est aussi dans cette perspective qu'il faut voir les choses. Mmh. Yann Voituron, à ce propos, et par ailleurs, cette baisse de température, elle est en moyenne de 0,2 degrés pour les femmes, mais de 0,6 pour les hommes. Oui, exactement. Il y a eu un effet sexe qui a été montré. C'est une jolie étude de début de l'année 2020. Publiée dans Nature. Qui a comparé trois cohortes en fait d'humains. Alors c'était des humains, disons des États-Unis et d'Europe. Et on a trois jeux de données assez importants qui permettent de comparer à la fin du 19e siècle, dans les années 60-70 et dans les années 2010. Et effectivement, il est montré une différence significative et une diminution significative de la température. Alors ça peut être dû à plein de choses, hein, mais on peut, alors comme l'a dit Olivier, ça peut être dû à une vie sédentaire qui augmente, c'est-à-dire qu'on a moins d'activité physique, donc il y a moins besoin d'avoir une chaleur dans le corps. Et puis ça peut être aussi une diminution à l'exposition de certaines maladies ou de parasites qui pourraient du coup expliquer une baisse légère mais significative de la température corporelle chez l'homme. Une réduction du niveau d'inflammation corporelle générale en fait. Voilà, c'est exactement. Ça. Ouais. On va pas évidemment parler que de l'être humain, on va surtout parler d'ailleurs des animaux qui sont, on l'a dit, beaucoup plus généralement ectothermes que endothermes. Peut-être un mot et on y reviendra une fois qu'on aura bien compris tous ces mécaniques. Aujourd'hui, le réchauffement, le dérèglement climatique a-t-il un effet précisément sur des animaux qui maintiennent ou qui n'ont pas de mécanisme de maintien de la température à un niveau précis, Yann Voituron? Alors le réchauffement climatique, effectivement, il faut le penser comme un réchauffement global. Après, les études sont assez, pour l'instant, sont très concentrées sur les ectothermes, où on essaye de voir comment une augmentation de la température va induire une augmentation du métabolisme, de l'activité métabolique de ces animaux, et on essaye de prédire comment vont être impactées la distribution des espèces, la densité des espèces, et aussi les interactions entre espèces. Mais il est vrai que le réchauffement climatique, je pense qu'en termes de thermorégulation, il faut surtout le voir avec son côté qui va augmenter en fait les effets aléatoires, c'est-à-dire qu'il va augmenter les phases d'environnement extrême, par exemple la fréquence des sécheresses, parce que ça va beaucoup impacter la physiologie des animaux, et donc on peut tout à fait estimer que c'est plus la météo en fait qui va impacter ces phénomènes de thermorégulation, le changement climatique global. Et on y reviendra tout à l'heure dans cette émission, et on va voir comment des phases de gel ou de froid accentuées peuvent, là pour le coup, avoir des effets sur un certain nombre d'espèces, ou au contraire, comme vous venez de le dire, les changements d'hydrographie ou d'humidité dans l'air peuvent là aussi avoir des influences. On va en discuter tout à l'heure à la fin de l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de thermorégulation tout au long de cette heure en compagnie de Yann Voituron et d'Olivier Lourdet. On peut peut-être faire un petit... On a l'impression que ça se divise assez simplement en deux catégories, sans chaud, sans froid. Évidemment, les choses, comme vous allez l'entendre, sont plus complexes. Est-ce qu'on peut faire un petit point définition, peut-être, Olivier Lourdet? Qu'est-ce qu'on entend exactement par ectotherme et endotherme? Oui, alors c'est un point qui est important parce qu'il y a pas mal de termes qui sont utilisés. Tout d'abord, le premier point, je pense qu'il faut aborder l'angle d'attaque de la thermorégulation, c'est bien cette idée de maintien de température dans une gamme de conditions données. Et pour ce faire, différentes approches sont possibles. Chez les endothermes, il y a des mécanismes de production de chaleur interne par le corps qui sont utilisés pour maintenir pour réguler la température. À l'inverse, chez les ectothermes, ils vont être dépendants de l'environnement extérieur, de la température du milieu extérieur, pour réguler leur température. Alors c'est un point qui est important parce que ectotherme ne veut pas dire sans froid, et endotherme ne veut pas dire systématiquement température constante. C'est pour ça qu'il y a deux autres termes qui sont utilisés, c'est notamment la notion d'homéothermie. Mmh. Homéothermie, ça signifie température stable, et hétérothermie, température variable. Donc une fois qu'on a ces quatre termes à l'esprit, on peut commencer à y voir plus clair, et notamment les deux groupes vraiment spécialisés à l'heure actuelle de vertébrés sont les oiseaux, et les mammifères, qui sont endothermes, homéothermes. Ça veut dire qu'ils produisent de la chaleur et ils utilisent cette chaleur pour maintenir leur température corporelle constante, même au repos. Par exemple, là, en étant assis, sans activité physique, donc sans production de chaleur musculaire, on continue à maintenir une température corporelle élevée et constante. Mais on va voir tout à l'heure, encore une fois, je me répète un petit peu, mais que ces catégories peuvent se chevaucher ou qu'il y a des glissements. Yann Voituron, sur cet aspect de définition de ces diverses catégories. Eh bien voilà, c'est tout à fait vrai. Il faut d'ailleurs, je pense, arrêter de parler d'animaux à sang froid et animaux à sang chaud. C'est une vieille dénomination. Et en fait, quand vous attrapez un reptile dans la nature qui est en train de thermoréguler au soleil, vous l'attrapez, il a une température corporelle qui est au-delà de 30 degrés. Donc la notion de sang froid et de sang chaud a été abandonnée. Et puis on a commencé à parler de poïkilotherme et d'homéotherme. Et puis ça aussi, ça a été arrêté parce que, effectivement, les endothermes qui produisent de la chaleur par thermogenèse physiologique, par leur métabolisme, eh bien en fait, eux aussi peuvent... Alors bien sûr, on dit qu'ils sont homéothermes, c'est-à-dire que leur température est constante. Elle ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que vous avez un petit bruit autour de ces moyennes de 36,5-37. Et par exemple, on perd 1 degré de température la nuit. Quand on dort, en fait, on baisse un petit peu le chauffage. Et du coup, le corps, en fait, n'est pas vraiment, la température n'est pas vraiment stable. Hein, il y a du bruit autour de ces valeurs. Et puis, à l'inverse, les ectothermes, effectivement, vont dépendre de la température extérieure. Mais là aussi, on voit des ectothermes qui sont capables de produire de la chaleur dans certains organes pour certaines fonctions. On pourra en reparler un petit peu plus tard. Bien sûr. Et puis, on a même, aujourd'hui, on a un poisson, par exemple, qui s'appelle le hopa, qui a été montré être homéotherme, c'est-à-dire sa température ne bouge pas, ou quasi pas, autant qu'un endotherme. Donc, vous voyez qu'il y a des flous entre ces différentes cases, effectivement. Bien sûr, et puis quand on parle par exemple d'homéothermie, effectivement vous l'avez dit, il y a une variation autour de 1-2 degrés en plus ou en moins, et puis il y a, on l'a dit tout à l'heure, des mammifères qui hibernent et qui vont d'un seul coup pendant une longue période réduire drastiquement leur température, et puis même si on veut parler de nous par exemple, on peut, même si notre température interne est maintenue autour de ces 37-37,5, on est tout à fait capable d'assumer que notre peau par exemple refroidit et tombe à 20 degrés alors que l'intérieur sera toujours maintenu. Donc cette notion d'homéothermie, elle est très mouvante, elle est très plastique, Olivier Lourdet. elle est très plastique et surtout elle est régionale. Ça veut dire qu'il y a un intérêt à garder au chaud des organes qui sont clés dans des fonctions, donc notamment le système digestif, reproductif ou le cerveau. Et donc typiquement, un endotherme qui va être exposé, un mammifère ou un oiseau qui va être exposé à une température basse, va s'engager dans des mécanismes de vasoconstriction pour éviter les pertes de chaleur. Et ça, ça suggère une chose qui est importante, c'est quand on produit sa propre chaleur, tout de suite on a un problème, c'est déjà il faut trouver l'énergie pour le faire et il faut réussir à garder cette chaleur. Et s'il fait très froid, une des stratégies, c'est de garder cette chaleur dans les zones les plus importantes du corps. Olivier Lourdet ? Ah oui, c'était vous, pardon. Yann Voituron, pardon, sur cette question de plasticité de l'homéothermie, excusez-moi. Oui, elle est très importante. Et donc, du coup, on voit vraiment, il faut vraiment comprendre que cette production de chaleur, elle peut être soit générale, soit locale. On peut citer par exemple des poissons comme le thon que tout le monde mange et tout le monde connaît. En fait, le muscle rouge du thon, en fait, c'est un muscle qui est homéotherme et qui est très très en température, qui est très élevée, ce qui permet au thon d'avoir une puissance musculaire importante et donc de pouvoir facilement échapper aux prédateurs ou d'attraper des proies. Donc vous voyez qu'une endothermie locale chez un ectotherme, chez un poisson, eh bien ça permet d'augmenter les capacités, donc ça peut être sélectionné au fur et à mesure de l'évolution. J'aimerais justement, vous me tendez la perche, Yann Voituron, en termes évolutifs, on l'a dit, hein, aujourd'hui l'endothermie, ça concerne moins de 1% de la diversité animale, l'écrasante majorité de la faune est ectotherme. Quand apparaît l'endothermie en termes évolutifs et sur quel type d'espèce et à quelle occasion finalement, pourquoi dépenser tant d'énergie pour maintenir la température corporelle à un niveau élevé, Olivier Lourdet ? Alors, un point, une précision qui est importante. Ce qui est rare, c'est pas l'endothermie en tant que telle. Ce qui est rare, c'est l'endothermie homéothermique. Ça veut dire la stratégie des oiseaux et des mammifères, produire de la chaleur et maintenir une température constante. Mais il y a plein de cas de figure où il y a une endothermie transitoire ou facultative, on pourra y revenir. Alors, pour les questions évolutives, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées pour l'émergence de l'endothermie. Là, je parle strictement endothermie. L'une d'entre elles, c'est les capacités d'activité. En gros, quand on produit sa chaleur, notamment au niveau musculaire, on peut être actif, on peut maintenir une activité soutenue dans des environnements variables. Et bien souvent, les performances, les capacités métaboliques maximales vont être dépendantes de vos capacités au repos. Donc ça veut dire que s'il y a des pressions de sélection qui favorisent des capacités d'activité, de la motricité très importante, par effet un peu ricochet, ça va favoriser une pression de sélection sur le métabolisme de base. Et ça pourrait être une des explications de l'endothermie homéothermique des oiseaux et des mammifères. Donc ça, c'est un des premiers modèles, c'est l'activité, les capacités d'activité. Un second modèle, ce serait celui des soins parentaux. Il est intéressant, celui-ci, ce serait que la chaleur produite ne serait pas favorable à l'individu en tant que tel, mais sa progéniture. Et il suffit de penser à une poule en train d'incuber ses œufs et on voit bien que là, la chaleur qu'elle produit, avec un disque cutané spécifique là, pour transférer la chaleur aux œufs, eh bien, elle est orientée vers la progéniture. Également, un organisme qui nourrit ses jeunes, qui va les approvisionner, va bénéficier d'une capacité d'activité importante. Et donc, en ce sens, ça peut être une pression de sélection favorable. Et il y a une dernière hypothèse possible, ce serait celle de la niche thermique et notamment de la nocturnalité. Ça pourrait être, c'est une des hypothèses avancées pour l'évolution de l'endothermie homéothermique des mammifères, qui pourrait être liée à un groupe de reptiles mammaliens qui était assez, a priori suspecté pour être assez nocturne, et où la production de chaleur aurait pu être avantageuse en augmentant la gamme d'activités possibles, y compris par température basse. C'est-à-dire finalement d'acquérir une certaine forme de liberté ou d'autonomie vis-à-vis du climat, plus ou moins, si je comprends bien, Yann Voituron. Oui, tout à fait. Et comme le disait Olivier, c'est-à-dire les premiers animaux chez qui ça a dû apparaître, c'était ce qu'on appelle les thérapsides. Il y a combien de temps, pardon ? Environ ? C'était au Permien. Donc on est sur plusieurs centaines de millions d'années. 250 millions. Et c'était des animaux qui étaient probablement dans des environnements chauds et stables. Et donc, il était assez facile, au final, de maintenir température corporelle haute et stable pendant longtemps. Et puis, au fur et à mesure que le climat a changé, en fait, il y a eu des adaptations qui sont apparues pour maintenir cette température corporelle chaude. Et donc, on a vu apparaître les fanères. Donc, les fanères, c'est les poils et les plumes, hein, les poils pour les mammifères et les plumes pour les oiseaux. Et donc, c'est grâce à ces protections et ces capacités d'isolation que ces animaux ont pu commencer à lutter contre le froid. Alors, probablement au début chez les petits, et puis les adultes ont gardé ces caractères-là pour pouvoir correctement thermoréguler. Mmh. Donc, en fait, on voit bien que cette évolution, elle s'est faite doucement à partir d'un environnement chaud et puis des adaptations pour résister à la contrainte thermique qui est très, très coûteuse. Oui. Pour les endothermes. C'est ça, hein, c'est Olivier Lourdes, je crois que vous vouliez réagir, mais c'est ce qui est intéressant en termes de dépenses énergétiques. Quand on pense l'endothermie, ça m'a fait penser personnellement à la reproduction sexuée à laquelle nous avions consacré une émission et qui est une sorte un peu d'aberration évolutive en termes de dépenses énergétiques. Hein, la reproduction sexuée coûte énormément d'énergie pour un résultat qui n'est pas un résultat évident en termes de ratio coût d'énergie. Conséquence évolutive. On a un peu l'impression que l'endothermie, c'est la même chose. C'est quand même une énorme dépense énergétique pour un avantage évolutif qui n'est pas immédiatement évident, Olivier Lourdet. Oui, effectivement, il faut vraiment avoir cette vision un petit peu économique et énergétique de la thermorégulation. Et de fait, on peut aussi faire une prédiction, c'est le contexte évolutif dans lequel est apparue l'endothermie homéothermique et forcément un contexte dans lequel la ressource trophique était disponible parce que tout simplement, il faut avoir de quoi se nourrir pour maintenir une telle production de chaleur en fait. Et donc, une fois qu'on a cet angle d'attaque, on voit bien que c'est une stratégie qui est maintenue par un jeu de coûts et de bénéfices. En fait, il y a vraiment une balance entre des avantages et des inconvénients. Et la stratégie endotherme homéothermique, en fait, elle permet une gamme d'activités variées dans différentes conditions, mais elle impose plusieurs contraintes, notamment celle de l'énergie, comme j'ai évoqué, celle de conserver la chaleur, celle aussi d'évacuer la chaleur. C'est pour ça que dès qu'on est dans la morphologie, un endotherme homéotherme ne peut pas avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle allure, n'importe quelle structure, parce que ça a tout de suite des répercussions sur ces échanges thermiques avec le milieu environnant. Mmh. Donc, ce sont des contraintes évolutives significatives. Est-ce qu'il y a aussi une partie immunologique? Je pense notamment au mécanisme de fièvre. On sait que quand la température du corps augmente, c'est un réflexe de défense pour que l'environnement corporel soit trop chaud et donc détruise les intrus, en général les bactéries. Est-ce que l'endothermie apporte un avantage en termes justement également de lutte contre les pathogènes, Olivier Lourdet? Alors, effectivement, quand on est endotherme et qu'on produit sa chaleur et qu'on est victime d'un pathogène, on peut choisir d'augmenter physiologiquement, en fait, sa température pour neutraliser ce pathogène. Mais la fièvre n'est pas l'apanage des endothermes. Les ectothermes peuvent tout à fait avoir une fièvre comportementale. Par exemple, un amphibien qui subit un pathogène comme un champignon peut très bien choisir dans sa mare ou de son environnement aquatique une lame d'eau et des conditions qui seront... Il va aller sélectionner les microhabitats les plus chauds pour augmenter sa température corporelle et pour mieux lutter contre les pathogènes. Donc, dans tous les cas, la température et la production de chaleur ou la recherche d'une température élevée peut être une arme importante pour se défendre. Yann Voituron, l'endothermie, elle serait apparue, on pense aujourd'hui, de manière distincte chez les mammifères et chez les oiseaux? Oui, d'ailleurs, on dit que l'endothermie est apparue deux fois. Et donc sur des lignées évolutives différentes. D'ailleurs, c'est soutenu par des mécanismes physiologiques qui sont assez différents. En particulier, je vous parlais tout à l'heure du tissu adipeux brun, le tissu adipeux brun qui est spécifique un petit peu dans les mammifères, mais pas présent chez les oiseaux. Mmh. Et pourtant, les oiseaux ont réussi à être endothermes. Donc en fait, avec des moyens physiologiques différents, eh bien ces deux groupes, ces deux clades, en fait, ont réussi à développer de l'endothermie. Oui, pardon, excusez-moi, je vous interromps parce que évidemment, s'il y a endothermie chez les oiseaux et comme on a entendu que l'endothermie aurait commencé à apparaître il y a 250 millions d'années, se pose évidemment la question des dinosaures. Est-ce que les dinosaures étaient ou non endothermes, ou est-ce que c'est précisément chez les dinosaures que l'endothermie est apparue? Qui veut répondre à ça? Yann Voituron? Oui, alors la question des dinosaures, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc c'est, effectivement, ça fait grand débat depuis plusieurs dizaines d'années dans la bibliographie. On a longtemps pensé qu'ils jouaient sur ce qu'on appelle la gigantothermie, c'est-à-dire qu'ils ils étaient très grands, ils avaient donc une grande inertie thermique. Faut juste, alors je vous interromps, Yann Voituron, faut nous expliquer exactement ce que c'est que la gigantothermie, parce que là aussi c'est quelque chose qui est à cheval entre l'endo et l'ectothermie, en tout cas une façon de maintenir de la température en changeant d'échelle. Alors voilà, il faut bien comprendre qu'effectivement il y a un jeu en fait de taille dans la thermorégulation, en particulier quand vous voulez être endotherme. C'est-à-dire que comme votre volume, quand vous grandissez en taille, votre volume va augmenter au cube, alors que votre surface va augmenter au carré. Et donc du coup, vous avez, si vous calculez un rapport surface-volume, eh bien plus vous êtes grand, eh bien moins vous avez de surface à exposer par rapport à votre volume. Et donc plus il est facile de garder de la chaleur. Donc en général, les milieux froids ont plutôt sélectionné des grands endothermes. Hein, c'est ce qu'on appelle par exemple la loi de Bergman. On voit, si vous prenez les ours, par exemple, les ours tropicaux sont plutôt petits, les ours des zones tempérées vont être plus grands, et puis l'ours polaire est beaucoup plus grand. Et en fait, ça, on peut facilement expliquer ça par une diminution, en fait, du rapport surface-volume, puisque les grands individus sont avantagés en milieu froid. Et donc, si on poursuit un petit peu cette vision-là, eh bien, les dinosaures étaient de très grande taille, et donc on peut estimer qu'ils avaient un faible rapport surface-volume, et qu'il était assez facile pour eux de garder des calories à l'intérieur du corps, et donc de maintenir une température assez élevée et stable. Donc c'est ça la gigantothermie. Mais voilà, il n'y avait pas que des grands dinosaures, hein, il y en avait des petits également, et il y a un certain nombre d'indices, en particulier morphologiques sur des fossiles de cœur qu'on a retrouvés chez les dinosaures. En fait, on trouve des cœurs à 4 cavités, et donc ces cœurs suggèrent en fait des niveaux métaboliques assez élevés, en particulier pour les petits dinosaures. Donc en fait, chez les dinosaures, on a eu probablement une multitude d'essais ou un gradient assez important entre une ectothermie peut-être locale ou un métabolisme intermédiaire, et puis les très grands qui jouaient sur cette gigantothermie avec une inertie thermique très importante. Olivier Lourdet là-dessus, et puis je peux ajouter, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, que pour l'endothermie, il y a le développement donc des poils et des plumes, et chez les dinosaures, bien précisément, on sait que ce sont chez les dinosaures que les plumes ont commencé à apparaître. Oui, absolument, et c'est assez intéressant parce que l'évolution des plumes était étroitement associée initialement au vol, alors qu'en fait, depuis lors, de nombreux exemples de fossiles ont été trouvés avec des plumes fonctionnelles pour de la protection thermique, mais non fonctionnelles pour le vol. Donc ça veut dire que ces fanères-là, les pressions de sélection, elles ont été convergentes, entre guillemets, chez les oiseaux et chez les mammifères, et ont favorisé les poils d'un côté, les plumes de l'autre, mais une forme de revêtement permettant d'économiser et de conserver la chaleur, surtout. Pour autant, ça ne permet pas de trancher sur la question de l'endothermie ou de l'ectothermie des dinosaures. Alors les dinosaures, c'est un clade immense, évidemment, mais on peut imaginer en tout cas que ça a pu se produire ou faire des allers-retours ou s'affiner précisément chez ces espèces. De toute façon, un point est simple, c'est les oiseaux actuels sont les directs descendants des théropodes, donc ce sont les dinosaures actuels, entre guillemets. Donc maintenant, la question, c'est à quel moment et comment. C'est vrai qu'il y a probablement des contextes multiples dans l'émergence et le maintien de cette thermorégulation. Et ensuite, c'était des groupes qui étaient quand même très diversifiés, avec des stratégies variées. Il y avait également des reptiles volants, je pense aux ptérosaures, des reptiles marins, aux ichthyosaures, et dans ces deux cas également, il y a des suspicions de régulation de température corporelle. Donc je pense que le paysage de la thermorégulation est beaucoup plus complexe, comme vous l'évoquiez au départ de l'émission, d'une sorte de dichotomie simplifiée en fait. Vous avez évoqué tout à l'heure la règle de Bergman, Yann Voituron. Il y a une autre règle qui est la règle d'Allen. La règle de Bergman, c'est la réduction et l'augmentation de la masse corporelle en fonction de la température. La règle d'Allen, c'est l'étirement ou le raccourcissement des formes, et notamment des membres, puisqu'on comprend bien que eh bien, quand on commence à avoir des membres très très longs, eh bien, ils peuvent geler, donc on les rapproche du corps, et ça peut changer quand on devient endotherme, on peut commencer à avoir des membres plus longs. Or, précisément, le passage à l'endothermie, il est aussi concomitant avec un changement d'emplacement des membres. Ah, alors ça, je ne suis pas très au courant de ça. Ah ouais, Olivier Lourdet peut-être là-dessus. Non, j'ai moins de recul. D'accord. Il y a peut-être l'emplacement des membres, ça peut être en relation avec l'activité, parce que quand vous êtes endotherme, homéotherme, vous devez avoir une consommation d'oxygène importante, donc se posent des problèmes de fréquence respiratoire. Alors par exemple, les mammifères l'ont résolu avec le diaphragme, qui est un muscle très puissant qui sert de pompe respiratoire. Les oiseaux ont des sacs pulmonaires qui permettent de ventiler. Alors que quand vous avez les pattes d'un animal qui va être au sol et qui va ramper, la respiration costale, si vous voulez, seule, n'est pas suffisante pour cela. Donc l'élément de réponse que j'aurais à fournir serait plus par rapport à la respiration que le positionnement strict des membres. Le passage d'une posture tentaculaire à une posture droite, mais c'est à peu près la même chose. On va continuer à parler de thermorégulation. On va voir quelques exemples concrets. Vous allez voir, encore une fois, entre endothermie, ectothermie, hétérothermie ou homéothermie, ces catégories se chevauchent. Il y a un tuilage et certains animaux développent des stratégies tout à fait iconoclastes, comme vous allez l'entendre. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. De Telmuta Mokajé, comme toujours, dans la méthode scientifique depuis plusieurs semaines maintenant, en soutien à la scène musicale indépendante française. Vous n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez être diffusé en cette période si difficile et compliquée pour le secteur culturel. On vous diffusera avec grand plaisir. Nous parlons de thermorégulation tout au long de cette heure en compagnie de Yann Voituron, qui est écophysiologiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 1, au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés, et Olivier Lourdet, qui est chercheur CNRS au Centre d'études biologiques de Chizé. Alors, comme vous l'avez entendu, on l'a compris, il y a un gradient entre strict endothermie, homéotherme et ectothermie, hétérotherme. Certains animaux limitent leur dépense énergétique en faisant varier leur température en fonction des conditions environnementales, comme le très photogénique microcèbe à qui vous êtes allé gratouiller le menton au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alexandra Delbeau, bonjour. Bonjour Nicolas, j'ai rencontré Jérémy Terrien, enseignant-chercheur en physiologie animale sur le site de Brunois. Il étudie la thermorégulation du microcèbe, un petit primate originaire de Madagascar, qui est une région tropicale avec de fortes variations environnementales. Et pour étudier la capacité d'adaptation de cette espèce, ce chercheur fait varier dans des enceintes climatiques différents paramètres, comme la température ambiante, mais aussi la disponibilité alimentaire, comme ce qui peut se produire lors d'événements climatiques extrêmes. Le microcèbe parvient à réduire son métabolisme et sa température corporelle lors d'événements de contraintes énergétiques, un phénomène nommé torpeur journalière. Le but de ces travaux est de pouvoir déterminer expérimentalement des marqueurs de stress lorsque ces contraintes deviennent trop importantes et in fine de pouvoir développer des stratégies de conservation de cette espèce. Vers les animaleries. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici à Brunois, nous hébergeons la plus grande population captive au monde de microcèbes. Donc, on a 450 individus ici, mais donc répartis entre tous les âges. entre les deux sexes. Et il y a une des particularités du microcèpe, c'est qu'il est saisonnier. Donc dans son milieu naturel, avec une saison d'hiver, une saison d'été. Et en fait, nous, on arrive à reproduire ça ici en captivité, notamment en faisant varier un seul des paramètres de son environnement. C'est la photopériode. La photopériode, donc c'est la durée du jour. En hiver, le jour est plus court. En été, le jour est plus long. Et en fait, nous, on fait varier ce paramètre-là ici en laboratoire. Donc 6 mois de jour court, 6 mois de jour long. Et en fait, c'est suffisant pour déclencher toute la saisonnalité de ces fonctions à la fois physiologiques et comportementales. J'arrive, je vais chercher un animal. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble le microcèpe. Alors en l'occurrence, il s'agit d'une femelle. Donc vous voyez que c'est un petit animal, donc c'est un primate, qui a donc les caractéristiques du primate, avec 5 doigts et le pouce opposable. C'est un animal nocturne, donc qui a des gros yeux. Et donc là, vous avez affaire à un animal donc, qui est en hiver, et comme vous pouvez le constater, il est très dodu. On voit clairement qu'il a beaucoup de masse donc, qui ont été stockées un peu partout dans le corps, et même en particulier dans sa queue, donc sa queue qui n'est pas préhensile, hein, mais donc qui peut lui servir notamment de stockage de graisse. Donc évidemment, dans les conditions ici de captivité, l'animal atteint des poids beaucoup plus importants que dans son milieu naturel. Mais malgré tout, les variations saisonnières de poids qu'on observe ici en captivité sont totalement cohérentes avec ce qui existe dans le milieu naturel. Donc on est ici dans une pièce donc, expérimentale où sont mis à disposition différents dispositifs. Donc on a des dispositifs, donc, dans un premier temps, que vous pouvez voir ici, ce sont des enceintes climatiques dans lesquelles on va pouvoir à la fois réguler la photopériode mais également la température pour simuler des cycles de température ambiante. Une fois qu'on a mis les animaux dans ces conditions expérimentales, on va suivre donc leur température corporelle avec différents dispositifs. Donc l'animal, notamment ici, on a un petit implant qu'on pose dans sa cavité intra-abdominale qui va émettre en direct les informations de température corporelle en continu pendant plusieurs jours. Ces informations sont reçues par une plaque qui envoie l'information à un ordinateur par les fils que vous voyez ici, et nous on récupère l'information pour surveiller donc les rythmes de température des animaux. Et on peut coupler ça également à de la mesure en continu et en direct des flux respiratoires des animaux, donc qui nous renseignent sur les niveaux de métabolisme dans différentes conditions éventuellement environnementales si on fait varier la température corporelle, ou alors par exemple dans le cas où on fait varier la disponibilité alimentaire pour mimer, comme il peut se passer dans le milieu naturel, une période de disette alimentaire, donc ce qu'on appelle la restriction calorique. Et quels sont vos résultats du coup de ces études-là? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en évidence? Donc, par exemple, du point de vue précisément des capacités thermorégulatrices, on sait que quand un animal, on va le mettre au froid par exemple, son niveau de température corporelle va baisser, mais si l'animal est en bonne santé et adulte et avec une composition corporelle correcte, il va être capable de maintenir son niveau de température corporelle à un niveau qui fait que ça ne va pas altérer sa balance énergétique. Il ne va pas perdre trop de poids en résistance au froid. Par contre, si l'animal vieillit, il a de plus en plus de mal à maintenir, contenir sa chaleur corporelle, la chaleur qu'il produit, ce qui fait que son niveau de température corporelle va baisser à des niveaux beaucoup plus bas, et ça va lui coûter beaucoup plus d'énergie pour faire remonter sa température corporelle. Et en fait, l'animal âgé va s'épuiser beaucoup plus vite, va utiliser ses réserves graisseuses beaucoup plus vite face à une exposition au froid que l'animal adulte. Donc ça, ce sont des choses qu'on a pu observer. Un autre paramètre qui fait varier donc, les capacités thermorégulatrices, c'est le sexe. Il y a des grandes disparités entre mâles et femelles. Et notamment, les femelles ont une capacité donc, de flexibilité de leur torpeur journalière qui est beaucoup plus grande. Elles sont capables de descendre à des températures corporelles beaucoup plus basses et pendant des durées beaucoup plus longues que les mâles. Donc effectivement, l'idée par rapport au contexte général du réchauffement climatique, c'est d'aller essayer de simuler en conditions de laboratoire les conditions que peuvent rencontrer les animaux dans leur milieu naturel. C'est quand même relativement limitant par rapport à ce qui se passe dans le milieu naturel, puisqu'il y a énormément de facteurs dans le milieu naturel qu'on ne peut pas simuler ici au laboratoire. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche complémentaire, effectivement, entre des choses qu'on aura validées ici au laboratoire et d'autres choses qu'on pourra observer dans le milieu naturel. Donc c'est une démarche qu'on est en train de mettre en place, notamment pour pouvoir accéder de manière pérenne à des populations natives de microcèpes dans leur milieu naturel, pour essayer d'aller vérifier certains des paramètres qu'on a validés ici, notamment de stress des animaux vis-à-vis de leurs conditions environnementales, voir comment ces paramètres-là évoluent dans le milieu naturel des animaux. Tous ces résultats que vous mettez en évidence, que ce soit expérimentalement et bientôt sur le terrain, vont aussi permettre de pouvoir mettre en place des stratégies de conservation. Donc la démarche qu'on a effectivement au laboratoire, c'est de valider des marqueurs d'état de stress de l'animal. Il y a certains marqueurs de stress qui sont très liés à la survie des animaux. On sait que quand on atteint des seuils sur ces marqueurs-là, très clairement, l'organisme est en danger. Si l'organisme est en danger, l'espèce est en danger. Et en fait, c'est une discipline qui est en pleine émergence, ce qu'on appelle la physiologie de la conservation. L'idée, c'est vraiment de se mettre à utiliser des outils physiologiques au service de la conservation. Et ça, c'est quelque chose qui est clairement en plein essor, donc déjà dans les régions tempérées, et qui est en train de se mettre en place dans des régions tropicales, donc soumises à des très forts effets du réchauffement climatique, mais également des pressions anthropiques diverses et variées. Voilà ce reportage au Muséum National d'Histoire Naturelle sur le microcèbe. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Olivier Lourdet. Ben, c'est vraiment intéressant ce type d'approche parce qu'elle montre aussi la plasticité de la régulation thermique chez un endotherme. Mais l'autre point que cela soulève aussi, c'est que cette plasticité, elle est liée à une contrainte, c'est d'abord l'énergétique. Ça veut dire que la machinerie endotherme, elle peut fonctionner quand il y a la ressource, mais s'il y a une période de contrainte thermique ou climatique, eh bien il n'y a pas beaucoup d'options. Les options, c'est soit partir, donc beaucoup d'endothermes vont se déplacer, vont hiverner justement, ils vont se déplacer ailleurs, migrer, mais elle peut être aussi à travers des mécanismes d'économie comme l'hibernation ou la torpeur pour supprimer en fait la régulation thermique trop coûteuse. Mmh. Yann Voituron ? Oui, c'est effectivement intéressant de voir le lien qu'il y a entre capacité à diminuer sa température et résistance aux contraintes environnementales. Et Julien Terrien évoquait que les femelles étaient capables de plus descendre leur température corporelle. On trouve, alors faut savoir que le microcèbe vient de Madagascar, donc c'est quand même pas des températures très très froides qui subit. Et on a par exemple des endothermes qui pourraient résister, comme le spermophile arctique, qui pourraient résister à l'hiver dans le Canada, au Canada, et donc capable de diminuer cette température corporelle au-dessous de zéro, hein, puisqu'on trouve des températures corporelles de presque -1,5, -2. Et donc ça montre bien que des animaux endothermes vont essayer de baisser de manière extrêmement drastique les coûts de thermorégulation quand il fait froid et quand la ressource alimentaire n'est pas présente. Ça c'est pour les endothermes. J'aimerais qu'on parle un peu plus des ectothermes et notamment des différentes stratégies là aussi, parce que quand on pense ectothermes, on pense évidemment essentiellement aux poissons, aux reptiles, aux amphibiens, mais là aussi il y a différents types de stratégies, des stratégies parfois très complexes, en fonction également de la nature des espèces, puisqu'on peut parler d'ectothermes actifs ou d'ectothermes thermoconformes. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama de ces différentes stratégies pour lutter contre des températures très très basses quand on est par exemple un mollusque et qu'on ne peut pas bouger, qu'on est accroché à son rocher, Yann Voituron ? Oui, alors peut-être pas les mollusques qui me vient à l'esprit là, ce qui me vient plutôt par exemple c'est des systèmes qui existent chez les insectes, où vous avez des systèmes de préchauffage, où en fait si vous calculez la température de l'abdomen et du thorax, vous avez des températures qui sont extrêmement différentes, et en fait grâce à des moyens physiologiques assez simples, via des cycles futiles qui vont en fait utiliser de l'énergie en nourrissant deux enzymes qui tournent ensemble, en fait, hein, et bien vous allez produire de la chaleur et votre thorax peut atteindre des températures de 35-37 degrés. On trouve ça chez les bourdons, par exemple, et dans ce cas-là, ce préchauffage permet aux animaux de se déplacer beaucoup plus tôt le matin, d'avoir accès à de la ressource. Et donc, en fait, on a vraiment ce chauffage, même chez les ectothermes, parfois, on a des phénomènes et des mécanismes qui ont été sélectionnés pour pouvoir produire de la chaleur. Mais du coup, on continue à parler d'ectothermie malgré tout. Parce que ce que vous décrivez, finalement, c'est générer de la chaleur par l'organisme à travers, effectivement, un système enzymatique, mais c'est quand même générer de la chaleur de l'intérieur. Et bien, c'est ce qu'on appelle une thermogenèse, mais ce n'est pas forcément de l'endothermie. L'endothermie, c'est vraiment maintenir une température élevée par des moyens physiologiques. Mmh. Donc là, c'est une thermogenèse accrue dans le thorax, de manière locale chez cet insecte, pour pouvoir voler, même quand les températures matinales sont fraîches. C'est intéressant que vous parliez des insectes, parce que on sait par exemple que chez les abeilles, il peut y avoir une stratégie de défense qui est liée précisément à de la thermogenèse pour attaquer les frelons. Oui, donc ça a été montré chez les abeilles en Asie, qui, devant le frelon asiatique, en fait, au lieu de venir attaquer le frelon une à une, d'essayer de le piquer, de le faire fuir, ce qui est assez inutile, en fait, on voit des boules, les abeilles viennent s'agripper sur les pattes et sur le corps du frelon et vont commencer à battre des ailes. Et donc, elles vont amener une température élevée, hein, puisque elles vont monter à presque 50 degrés. Or, le frelon meurt à 47 degrés. Alors que l'abeille, elle, supporte presque 50 degrés. Mmh. Et donc, du coup, en fait, elle tue le prédateur. La chaleur devient une arme, en fait, chez les insectes, chez certains insectes. Olivier Lourdet, chez les ectothermes, quelles sont les différentes stratégies pour lutter contre le gel des cellules et le gel des organes? Alors, pour revenir juste sur le point précédent et pour bien s'y retrouver en termes de terminologie, c'est vraiment important le fait de lier endothermie, homéothermique pour cette idée de chaleur permanente. En gros, le chauffage est toujours allumé. Pour l'exemple des insectes ou de l'endothermie d'activité, on a affaire à des ectothermes qui vont produire de la chaleur de façon transitoire et facultative. Donc là, le radiateur, il est allumé que quand il y en a besoin. Et après, il y a des ectothermes qui ne vont pas produire de chaleur du tout et entre guillemets, qui vont être dépendants de l'extérieur, un peu à l'image de panneaux solaires, en fait. Donc il y a vraiment ces trois grandes, je dirais, catégories, et la plus coûteuse étant celle de l'endothermie homéothermique pour la chaleur régulée constamment. Alors, pour les mécanismes de résistance au froid, je préfère laisser répondre Yann, parce qu'il a travaillé précisément sur ce sujet chez les squamates. Alors, expliquez-nous justement comment se passe la tolérance au gel chez les espèces ectothermes, et notamment, qu'est-ce que c'est que ce phénomène ou cet état de surfusion, Yann Voitureon? Alors, donc là, on est chez des animaux qui, ne produisent pas de chaleur. Hein. On est plutôt chez les amphibiens et les reptiles. Et quand la température du lieu d'hivernage où ils se trouvent descend largement en dessous de zéro, eh bien, il y a deux stratégies qui peuvent être mises au point. Vous avez soit une augmentation de ce qu'on appelle la capacité de surfusion. La capacité de surfusion, c'est un phénomène physique. Ça n'a rien à voir avec la biologie. En fait, l'eau, elle peut rester liquide, même à des températures assez basses. Hein. En laboratoire, on l'amène à des températures de moins 40 degrés dans certaines conditions, où elle reste liquide. Mais si vous modifiez vraiment de manière très très fine cette eau, si vous le remuez, par exemple, vous allez avoir des protocristaux de glace qui vont se former, et la glace va prendre, et vous allez remonter à une température de 0 degré pendant quelques secondes, puis ça va redescendre. Donc les animaux qui ne tolèrent pas la glace dans le corps augmentent cette capacité de surfusion. En fait, ils vont un petit peu à l'instar des liquides antigel qu'on met pour les voitures, hein, eh bien, ils vont accumuler tout un tas de molécules qui vont permettre à l'eau de ne pas prendre en glace. Et on a certains insectes qui peuvent ne pas prendre en glace avant moins 55 degrés au Canada en particulier. Et puis à l'inverse, vous avez des organismes ectothermes qui peuvent tolérer la présence de glace dans le corps, et ça c'est assez compliqué parce que la glace, elle va augmenter de volume, elle va faire ce qu'on appelle des spikes, et elle peut percer des cellules. Les membranes cellulaires, elle fait exploser les membranes cellulaires, c'est ça le problème majeur. Voilà, tout à fait. Donc en fait, vous avez tout un tas de systèmes de mécanismes physiologiques qui vont être mis en place pour éviter une formation de glace très rapide dans les tissus, mais quand même une formation de glace qui va permettre à l'animal du coup d'avoir un métabolisme extrêmement faible, puisque quand vous avez des tissus congelés, ben ils ne coûtent rien. Et puis après, ben il faut rester quand même avoir encore quelques éléments qui sont sensibles à la température pour réveiller tout le corps quand le dégel arrive. Et ça, c'est essentiellement chez les insectes. Ou est-ce qu'il y a des organismes plus gros que les insectes, parce que je veux évidemment pas dire plus évolués, loin s'en faut, non, mais des organismes plus gros qui peuvent geler aussi. Je crois qu'il y a certains amphibiens qui te la regèlent. Voilà, tout à fait. Alors, un petit peu la star de ce système-là, c'est Rana sylvatica, la grenouille des bois américaine, où il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été faits. Mais en Europe aussi, on a des espèces, Rana temporaria, par exemple, ou Arvalis en particulier, peut congeler pendant quelques jours. Donc, c'est un phénomène qu'on trouve effectivement chez les amphibiens, chez les reptiles et beaucoup chez les insectes. Olivier Lourdet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Alors oui, concernant la thermorégulation, mais pas forcément par rapport au froid seulement, eh bien les ectothermes ont aussi une diversité de stratégies comportementales. Le fait de pas produire sa chaleur d'origine endogène, ça veut pas dire que c'est un handicap en fait. Et alors qu'est-ce que ça veut dire la thermorégulation comportementale ? Ben on a tous l'image du lézard qui se dort au soleil. Eh bien quand il fait ça, il va vraiment activement modifier sa température corporelle et atteindre une température cible. Et on va appeler ça un thermorégulateur actif. Vous avez d'autres ectothermes qui vont être des thermoconformeurs, entre guillemets, qui vont être moins engagés dans l'activité, qui vont être beaucoup plus dépendants de l'environnement ambiant. Et typiquement, on peut imaginer un coquillage fixé sur un rocher, eh bien, à marée basse, il va subir de plein fouet les fluctuations environnementales. Donc, tout ça pour dire que ce qu'on appelle les animaux à sang-froid, entre guillemets, même si ce terme n'est pas adapté, ont des moyens comportementaux pour réguler leur température, et ils ont aussi des moyens physiologiques. Ça, c'est une autre erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à dire « Ah oui, bah là, il n'y a pas de possibilité physiologique ». Un exemple moi, que j'aime bien citer, c'est chez les serpents. Les serpents, c'est un corps très allongé, donc en termes de conservation de la température, c'est pas du tout idéal. Néanmoins, il a été montré qu'un serpent qui est en train de se chauffer va avoir un intérêt à rediriger sa circulation corporelle dans tout le corps, en fait, de la tête à la queue, pour vraiment augmenter sa température le plus vite possible. Néanmoins, s'il se refroidit, il va shunter la circulation dans l'appendice caudal, en fait, pour réduire la perte de température à ce niveau-là. Donc, ça montre que il y a plein de subtilités dans la régulation thermique chez les ectothermes. Et puis, il y a surtout également parfois la nécessité, je pense par exemple à des fins reproductives, d'augmenter juste la température d'un organe et pas de tout le corps. Et ça aussi, c'est des stratégies assez complexes et assez élaborées, Olivier Lourdet. Alors oui, ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'endothermie facultative. Et en prenant un autre exemple de serpent, chez les pitons sont les serpents ovipares qui vont pondre des œufs, mais où la femelle va s'enrouler autour et les protéger pendant toute la durée du développement. Et il a été mis en évidence un phénomène de thermorégulation facultative par frisson. La femelle, chez les grandes espèces de pitons, hein, c'est les animaux, certaines espèces dépassent les 20 ou 30 kilos, eh bien, il va y avoir des contractions musculaires régulières de la femelle sur ses œufs. Et de cette manière-là, elle va pouvoir augmenter la température corporelle avec un gradient pouvant parler de plus de 5 degrés. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'il a fallu du temps pour que cette découverte, qui est assez ancienne maintenant, soit acceptée, parce que ça semblait impossible qu'un ectotherme, qui est un peu, entre guillemets, le dernier de la classe, incapable de faire quoi que ce soit, puisse faire de la chaleur. Et ben, c'est un contre-exemple vraiment intéressant. Yann Voituron, sur cette question, justement, de certaines espèces, je pense à la reproduction chez certains gros poissons, je crois chez la baleine ou chez le requin, pour conclure. Oui, vous avez une thermogenèse, par exemple, dans les utérus de requins, qui permet d'avoir une température plus élevée et donc de permettre une augmentation de la vitesse de développement chez le petit. Mais vous avez plein d'autres choses. Hein. Vous avez, par exemple, il y a des jolis travaux à l'université de Tours sur, par exemple, les insectes piqueurs, hein, c'est-à-dire des ectothermes qui vont piquer les endothermes. Et donc vous avez par exemple un burst de chaleur qui arrive dans le corps. C'est-à-dire, imaginez un moustique qui vous pique. Eh bien, si on fait un parallèle, c'est comme si vous buviez à peu près 40 litres d'eau chaude à 60 degrés. Donc là aussi, il faut thermoréguler. Il y a plein de méthodes pour aussi refroidir les ectothermes quand ils en ont besoin. Voilà, effectivement, on a parlé beaucoup des méthodes de réchauffement, moins des méthodes de refroidissement également importantes chez les endothermes. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de thermorégulation. Merci Yann Voituron, merci Olivier Lourdet. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est vraiment un sujet tout à fait passionnant. Merci à toutes les équipe de la méthode scientifique avec Étienne, Céline Lezen, Alexandre Morales, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Noémie Négat Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation et Jean-Guilain Meige à la technique. Demain, destination vide, mais destination vide, pas vraiment vide, nous en avons déjà parlé, la notion de vide est une notion très complexe en physique et en cosmologie, mais quand il s'agit du vide quantique, c'est encore une autre histoire. Et bien, c'est l'histoire que nous vous raconterons demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.